On va commencer la chronique du hockey mineur de Robert Val avec encore une fois Séné. Ça me fait extrêmement plaisir de le retrouver. Hugo Mantet. Salut Hugo! Salut! Hugo, on va d'abord parler de l'impact des Sabres de Robert Val à Robert Val, l'impact de l'arrivée. Est-ce que tu sens que ça l'a. Parce qu'on s'en parlait quasiment régulièrement par les années passées. On disait qu'il n'y a pas de club majeur, ça aide pas au développement du hockey mineur à Robert Val. Là, les Sabres sont arrivés. Est-ce que tu vois vraiment un changement? Ou il est encore trop tôt? Pour l'instant, il y a un changement au niveau de l'engouement du hockey à Robert Val, ça c'est okay. Certain. Puis si on regarde là, sur les médias sociaux, puis si on regarde là, avec, par exemple, Facebook, c'est clair que je peux pas nier que il y a un engouement là-dessus. On parlait, là, je sais que samedi dernier, ils ont joué une partie en concours contre les Éperviers de Normandin. C'était un samedi soir. Puis je parlais avec un des responsables de l'équipe hier, justement, puis il disait qu'il avait attiré là, tout près de 250 personnes pour un samedi soir, hein, une partie en concours. Il était bien satisfait des résultats. Okay. Donc, c'est sûr que si un samedi soir, tu as 250 personnes, c'est quand même pas mauvais pour cette journée-là. Donc, oui... il y a un engouement de ce que je sais également là, au niveau là, des ventes de publicité à l'intérieur de l'aréna, des ventes de billets de saison. Il y a un engouement, les gens ont hâte de voir ça, ont hâte de voir là, qu'est-ce que ça va donner sur la glace. Mais est-ce que ça a un engouement pour l'instant au sein de mon hockey mineur? Pas nécessairement okay. Encore. Moi, on avait des prévisions concernant l'an passé des pré-novices avant même que le junior arrive à Robertval, puis on est dans les chiffres là, qu'on s'était dit. On prévoyait avoir encore cette année là, tout près de 25 nouveaux petits bonhommes qui allaient jouer au hockey donc dans les pré-novices. Puis c'est ça qu'on a là, présentement. Donc est-ce que l'engouement va arriver plus l'an prochain? Okay. Moi, je pense que oui, probablement, mais cette année. Donc, l'engouement est vraiment au niveau des adultes puis des gens qui aiment le hockey puis qui veulent voir là, du hockey de calibre à Robert okay. Val. Parle-moi maintenant des inscriptions, parce que là, ça doit être commencé, les inscriptions. Est-ce que ça ressemble pas mal aux autres années à Robert Val? À Robert Val, cette année, présentement, je dirais que c'est sensiblement pareil aux autres années, les okay. nombres d'inscriptions. On est autour là, de probablement 150 joueurs à Robertval comme les autres années. La différence, c'est que dans les jeunes, moi quand je parle des jeunes, je parle de pré-novice, novice, atome, j'ai beaucoup de joueurs. Okay. Donc j'ai pas de problème. Mais c'est, pour moi, la première fois depuis que je suis au hockey mineur, là, ça fait probablement 5-6 ans, je vais avoir 4 équipes novices, donc au-dessus de 50 jeunes qui sont novices dans cette catégorie-là, on n'avait jamais vu ça. Qu'on avait là, 3 équipes, on était contents. Puis là, cette année, on va avoir 4 équipes dans cette catégorie-là. Donc, ça va bien. L'atome, le nombre de jeunes, ça va très bien. Bantam numéro 1, mais là, on est en réflexion par rapport là, au Pee-wee puis au Midget, là, parce que là, on est dans des chiffres là, un peu inconfortables. Là. Une équipe, c'est un peu trop. Puis, ben, une équipe, c'est trop, puis deux équipes, c'est pas assez. Okay. Fait que là, on est dans un casse-tête par rapport à ça. Mais non, tant qu'au nombre d'inscriptions, on est quand même là. Satisfait de ce qu'on a présenté. Au niveau des entraîneurs, est-ce que c'était quand même plus facile à trouver ou c'est pas mal pareil? Je te dirais que cette année, jusqu'à date, au niveau des entraîneurs, ça va bien. Okay. Même très bien. Là, j'ai pas eu personne encore. Là, j'ai pas encore à me casser la tête avec les gouverneurs de catégorie. Jusqu'à date, on a identifié des personnes. Puis jusqu'à date, les personnes qu'on a identifiées ont tous répondu dans l'affirmative, puis ils étaient d'accord, puis s'impliquer. Donc nous, on vient juste de commencer le lundi de cette semaine, on attendait après la fête ouais. du travail, mais à toutes les catégories, pour l'instant, on a des entraîneurs sur la patinoire, puis on a des entraîneurs qu'on a eu l'an passé ou il y a 2 ans, ou qui s'impliquent, ça fait quelques années, donc on est pour l'instant très choyé dans nos entraîneurs, on n'a pas de problème. OK. Qui va diriger justement dans les différentes catégories, dans les catégories les plus fortes, exemple, Atome double lettre? Dans l'Atome double lettre, c'est encore M. Hugues Bouchard. OK. qui lui était là l'an passé, puis qui a déjà été, écoute, ces deux garçons ont passé, il y en a un qui est midget, puis il a commencé à coacher son garçon à Tôme, Doublevette, quand Félix, le plus vieux, était dans la Tôme, donc ça fait deux, quatre, ça va faire sa sixième année qu'il entraîne dans la Tôme 2B, donc nous autres, là, quand M. Hugues a donné sa candidature avec M. Luc Larkin de Saint-Félicien, ben c'était un duo l'année passée qui a quand même bien fait des choses, donc on n'a pas cherché à aller trouver d'autres candidats ou changer la recette. Donc, on trouvait là, qu'on était choyé. Donc, on est allé encore avec M. Bouchard et M. Larkin pour ce qui est de l'atome. OK, OK. Pee-wee? Pee-wee, dans l'Enzo, dans le Pee-wee-A à Robertval, ça va être M. Frédéric Thériault. OK. Donc, M. Thériault, ça fait, je vous dirais, ça fait 3-4 ans là, qu'il est entraîneur, là, novice, atome, Pee-wee. Donc, c'était là, un monsieur là, qui fait longtemps qu'il est là. Ça fait qu'on est, on est très contents que ce soit M. Thériault. Qui soit l'entraîneur dans le club. Okay. Si tu vas dans le Bantam, présentement dans le Bantam, ce sont un groupe d'entraîneurs parce que dépendamment des gens, j'ai M. Bouchard qui présentement lui donne des entraînements dans le Bantam. Puis là, on avait lundi à pratique, on avait quatre entraîneurs possibles sur la glace qui étaient là. Okay. Donc, dépendamment de la sélection qui va se faire par l'hockey mineur versus les joueurs, là, on a des entraîneurs là, qui vont prendre le A, puis il y a des entraîneurs qui vont prendre le B. J'ai même d'autres personnes dans le Bantam qui sont pas sur la glace, qui ont donné leur nom si on était mal pris. Honnêtement, du monde dans la catégorie Bantam, on est chanceux, mais on va en avoir assez pour remplir là, nos exigences. Puis présentement, ben, on a une équipe midget, puis c'est M. Carole Martel qui est responsable de la catégorie. M. Martel fait 2 ans déjà qu'il coach, lui, le midget à Robertval, donc ça serait sa 3e année cette année avec Frédéric Beaupré, donc un gars là, bien connu à Robertval de hockey qui a fait du gros hockey, donc on est en cadillac, je vais dire, présentement avec nos entraîneurs. C'est-tu le Carole Martel qui est directeur du centre de formation professionnelle de Robertval? C'est-tu le même? C'est Carole Martel, le responsable, le directeur général de la ville, adjoint, okay. Puis le responsable des services des loisirs à Robertval. Donc c'est pas le même, là. Il y a deux Carole Martel, ouais. Donc c'est lui là, qui est responsable là, à la ville là, des loisirs à Robertval. Okay. Il y a comme une espèce de fusion également avec l'hockey mineur de Mastouillache. Comment ça se passe de ce côté-là? Les relations, ça va bien encore? Ça va numéro un. Donc, nos relations sont très, très bonnes. On a partagé déjà, là, on a commencé déjà à partager nos heures de glace. Donc, lundi et mardi, les jeunes pratiquaient tous à Robertval. Hier puis aujourd'hui, les jeunes pratiquent à Mastouillache. Les fins de semaine, la même affaire. Le partage, ça fait très, très, très bien. On a déjà travaillé sur notre grille d'horaire, là, sachant un peu le nombre d'équipes. Donc, on a déjà travaillé sur notre grille d'horaire pour départager autant les équipes qui vont pratiquer à Robertval qu'à Mastoyache, parce que nous autres, c'est une rotation. Donc, tout le monde va à Robertval, tout le monde va à Mastoyache. Mmh. Donc, honnêtement, ça va très, très, très bien avec notre relation encore avec Mastoyache. OK. Bien, Hugo, ça va me faire un grand plaisir, encore une fois, de se parler à tous les jeudis. C'est rendu un rendez-vous hebdomadaire. Donc, à partir de cette semaine, on se parle à tous les jeudis matin. Le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Maltais.